Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Comédien, le plus beau métier du monde, une série de Julien Thèbes réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a le Festival de Cannes, encore et toujours, et aussi les questions qui sont remontées à la surface avec l'affaire Weinstein. Et cette envie de dénouer les pelotes du désir, de l'envie d'être désiré, de l'envie d'être dirigé, de celle de se donner à un rôle, d'être une marionnette ou un corps pensant. Il y a aussi l'envie de questionner le pouvoir des producteurs sur les acteurs, et plus souvent les actrices, et celui, souhaité et craint, du démiurge qu'est le metteur en scène à qui l'on doit plaire. Et aussi cet étonnement de voir que ce métier d'inquiétude et de choses trappes fait pourtant toujours rêver ceux qui cherchent la lumière et les mots. Alors pour commencer, les personnages. Une comédienne à la voix grave, des apprentis qui répètent à voix basse, un acteur qui vibre, une autre qui veut se sentir exister, une ingénue dans son rôle, une autre qui ne veut pas être un pantin et un jeune espoir. Ensuite, le décor. Un sol de béton, de l'excès, du trac, des chuchotements, des hurlements, la caméra, la coulisse, le conservatoire, le mythe de l'acteur studio et celui de Gérard Depardieu, un briquet, des cours, des castings, de la cruauté, de la manipulation, les Césars et les conservatoires et la comédie française. Aujourd'hui, premier épisode, il y a des grandes questions toutes simples. Comment est-ce qu'on devient comédien ? Alors là, c'est travailler comme un sportif. Comme un danseur, comme un musicien, comme... Mais travailler tous les jours, se lever le matin et tous les jours travailler. Quand vous êtes choisi pour un rôle, qu'est-ce que vous ressentez ? La peur. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite pour travailler ? J'étais enceinte de ma fille cadette, enceinte 5 mois, et Philippe Lyotard devait me jeter par terre. Comme dans la rue, quoi. En béton. Et j'avais dit à personne sur ce tournage que j'étais enceinte. Et il m'a jetée. On a fait je ne sais pas combien de prises. Et quand il m'a vue, quand il m'a vu à la synchro, j'étais comme ça évidemment, il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer, il m'a dit « Mais Tania, pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as fait ça ? Jamais je t'aurais jeté, jamais !» Et j'ai dit « Mais voilà, je l'ai fait, je suis professionnel. » Fearless, il faut être fearless. Juste avant, vous êtes dans quel état ? Juste avant de passer le concours. Détendu. Respirez, dès qu'on peut. Ça va durer combien de temps l'audition ? 10 minutes. Pense en vous ! Courez ! On le fait ! De la main de Nuit Arme pour son supplice, il vient de préparer ses deux infortunés. Alors c'est fantastique. Et moi j'ai pas peur de la caméra. Tania l'opère. Quand on dit moteur, j'ai peur avant. Est-ce que je vais arriver ? Mais une fois qu'il y a la caméra, je fais l'amour à la caméra. Ou la caméra me fait l'amour. Je crois que c'est Jeanne Moreau qui disait ça. Quand je suis devant la caméra, c'est quelque chose de... J'oublie qu'il y a la caméra. Je suis libre. Je vais te percer, moi, ton berlingot avec mes gros. Je le sens. Toi, bientôt, tu vas faire quelque chose. Ça va se répandre sur tout. Je t'en fais nous entendre. Tu sais ce que c'est ? Quoi ? Tradhomme, qu'est-ce que c'est ? Comment fais-tu que je sache ? C'est Mozart à l'envers, petite souris. Si jamais tu m'épouses, tu seras Constance Stratton sur mon pas. Parce qu'une fois mariée, je te prends dans l'envers. Par derrière, c'est qu'une ma femme que je lâcherai, moi, pas sa vie. Ton père ne donnera jamais son consentement. Pourquoi c'est addictif, ce métier ? Est-ce que c'est une drogue ? Bah ouais, il se passe un truc, j'arrive toujours pas à le définir, c'est vraiment dans le corps. Mais c'est comme si tu vibrais, en fait. Tu existes. Ah. Maxime Goncalves. J'ai peut-être dans 15 ans j'aurai les mots, mais là je les ai pas et c'est vraiment. Ouais, enfin c'est. Comédien, est-ce que c'est le plus beau métier du monde? Oui et non. Oui et non. J'aimais ça à la folie, quoi. J'aime ça. Parce que quand on rentre dans une pièce, c'est tout de suite. Très bien. Claudel, il était parfait. Ouais, je... Le Claudel, il était parfait, mec. Je quitte pas. Ouais, j'espère. Ça m'a fait flipper. J'ai... Alexandra, t'as paniqué, je sais pas. Putain, mais le stress, mais tellement intense que ça t'a donné, quoi. Samantha ? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Lucas ? C'est moi. C'est vous ? Enchanté. Bonjour. Vous connaissez les deux, donc. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous venez de passer le premier tour du conservatoire ? Oui, tout à fait. Quelles questions voulez-vous en poser ? Pourquoi je voulais rentrer au conservatoire ? C'est la question rituelle. Non, et j'ai répondu... Ouais, pour exister plus, c'est, on se sent plus intense, on se sent plus vibrant. Derrière mon ordinateur, bon, je faisais des choses super, voilà, mais ça me nourrit pas. Au bureau, bah, j'y vais entre 8h et 18h30, puis voilà, je fais mon boulot sans trop me poser de questions, puis je ressors, et puis la vie, elle commence après le bureau, quoi, pour moi. Donc, pour que la vie, elle soit là tout le temps. Pour qu'on soit vivant tout le temps, tous les jours, quoi, à tous les instants. Ouais, enfin, c'est... Comment... c'est comme... Ça serait comparable à... J'ai jamais fait de surf, hein, mais c'est... ça serait comparable à l'idée que je me fais du surf, c'est-à-dire... T'as une énorme vague de... Je sais pas si c'est de la chaleur, si tu vibres ou quoi que ce soit... Et tu restes dedans, et tu navigues dedans. Cette vague, enfin, ça va aller dans la direction, et ça va être uniquement du moment présent. Et donc, ouais, c'est un peu une sorte de drogue. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Tania. Allez-y, allez-y, allez-y. Qu'est-ce que vous préférez comme eau ? Gazeuse ou pas gazeuse ? Oh, plate, parfait. C'est Hitchcock ? Oui. Allez, asseyez-vous, attendez. C'est incroyable. Voilà une histoire pour presque rien. Vous avez une très longue carrière, vous avez joué dans près de 50 films, je crois, en plus. Vous avez joué à la télévision, au théâtre. Vous êtes né à New York et vous avez été élève à l'Actor Studio. Oh là là, mais il y a longtemps maintenant, j'ai eu très peur. À l'époque, quand j'ai passé l'audition, je ne sais pas en quelle année, il y avait Sidney Pollack qui était dans la salle, il y avait Shelley Winters, il y avait je ne sais pas combien de personnes connues, plus Strasberg. J'ai eu tellement peur que c'était horrible. Ah ben bon. Est-ce qu'il y avait une bonne ambiance dans les cours entre les élèves ? Non, il n'y avait pas. Vous rentrez, il y avait le silence. Il avait une voix très... Pas une voix qui portait, quoi. Une voix monotone, un peu... Il avait des très belles mains. Il y a des photos de lui partout ici, je peux vous montrer. Après, il pouvait être très dur. Il pouvait être très, très dur, très méchant. Quand il voulait arriver à quelque chose. Et moi, ce qui m'énervait chez lui, très prétentieux de dire ça, mais tout ça, c'est que quand la personne n'avait vraiment pas de talent, mais vraiment pas de talent, et qui passait des heures, et que la personne revenait la semaine d'après, et la semaine d'après, et la semaine d'après, je disais, mais pourquoi tu perds ton temps avec lui? Mais il est nul, il sera jamais acteur. Et il me regardait, il me dit, on ne sait jamais. Ça peut se débloquer, un jour. Moi, j'y crois. On ne sait pas. Personnellement, je crois qu'enfin, avoir le talent d'un Gérard Depardieu ou d'un Marlon Brando, enfin bon, ça c'est très rare, mais être un acteur qui travaille, ce qu'on appelle en anglais working actor, c'est possible. Mais c'est autre chose, un grand acteur, comme Eleanor Duse. Vous savez qui était Eleanor Duse? Non, chez Moigny. Eleanor Duse. Regarde, elle est là, elle est partout. C'est ma muse, c'était la plus grande actrice italienne. Donc ça se voit tout de suite, de toute façon, quand il y a un grand acteur. Je crois. Il y a quelque chose d'immédiat. Je peux vous parler de Gérard Depardieu, parce que j'ai tourné son premier film quand il était figurant. Il est extraordinaire. Il joue comment, Gérard Depardieu? Il joue pas, il est. Il est. Et je lui ai dit, à la fin de la journée, je lui ai dit à ta femme que dans 6 mois, tu vas être une star. Et dans 6 mois, il a fait Les Valseuses. Ça s'est vu. Ça se voit. Bonjour. Vous allez passer le concours aujourd'hui, là, dans quelques minutes. Je vais passer Shopping and Fucking de Mark Ravenville. C'est un peu dans l'ambiance de Trainspotting. Puis là, c'est une scène d'entretien avec une toxico qui vient demander pour être actrice dans une téléachat. Puis elle tombe en face d'un mec assez véreux, pas obsédé sexuel, puis ça, c'est moi qui le joue. Puis là, c'est très spécial pour moi. La porte de la salle d'audition, donc, nous a demandé de reculer un peu. Parce que j'ai préparé tout le parcours en 3 jours et que j'ai trouvé ma réplique hier. Alors, d'accord. Quelles sont vos autres scènes, hein? J'ai le site de Corneille, acte 2, scène 2. Je joue le comte. Il y a une troisième scène aussi. On me demandait de trouver une scène dans le répertoire théâtral d'avant, en 1980. Alors, pour compter large, j'ai pris un psaume de la Bible. Et puis, c'est le psaume 23 de la Bible. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, et tatati et tatatou. Voilà. Et il y a aussi ce qu'on appelle le parcours libre. Oui, le parcours libre. Alors, ça, j'ai ma guitare, je jouerai un morceau de jazz. Pourquoi je fais ça, de but en blanc? C'est une question qui nous suit un peu tout le temps. Et on se la pose à soi-même régulièrement, en fait. On se dit, oui, pourquoi je fais ça et c'est très bizarre, parce que quand on passe toute sa scolarité à se dire, ouais, qu'est-ce que je fais là, je m'ennuie, etc., etc., et qu'il y a un truc où on a l'impression, c'est un peu bateau comme phrase, mais d'exister, en fait, de faire quelque chose qui soit de l'ordre de ton désir intime, de ce que t'as envie de faire. Pourquoi être acteur, c'est le seul truc. Ah oui, la première fois que j'étais sur un tournage, j'avais 6 ans. À Rome, mon père faisait un film à Rome, et quand j'ai vu, à l'époque, il y avait les grands pour la lumière, j'ai commencé à crier, à hurler, à pleurer, et j'ai dit, c'est ça qui est très étrange. Après, je voulais devenir actrice, mais quand j'étais petite, tout ce que je voulais, c'est jouer avec des petites filles, et on me trimballait sur des tournages et machins, on m'enlevait de l'école, j'ai pas fait d'études, voilà. Quelque part en moi, quand j'étais plus petite, je voulais être actrice, parce que je voyais des grosses actrices, parce que je voyais Catherine Hepburn, Shirley MacLaine sur un tournage où elle pleurait je sais pas combien de fois. J'étais dans le monde du cinéma, et mon père m'a dit une chose terrible quand j'avais peut-être 20 ans. On était à Los Angeles dans une salle de projection. À l'époque, chez les grands producteurs, il y avait des salles de projection, il y avait un tableau connu, disons un Bonnard, Picasso, qui ouvrait la salle de projection. Ces producteurs achetaient des tableaux pour se montrer, quoi. Et donc, à cette projection, il y avait Faye Dunaway. Mais Faye Dunaway, à l'époque, elle n'était pas connue. Elle venait à Los Angeles pour faire une audition. Et je la connaissais de New York. Elle était là, bon, à côté de moi. Et à la fin de la projection, mon père me dit en sortant, écoute, comment tu veux faire un métier comme ça quand tu vois cette fille qui est si belle et qu'elle a du mal? Avec ton physique, comment tu veux réussir? C'est terrible, hein? Oui, il y a une scène qui a été un peu compliquée à faire en vue de tout le stress du concours. Et puis voilà, mais après, l'important, c'est que je me suis amusé, quoi. C'est beaucoup d'émotions, non? Ouais, c'est beaucoup d'émotions. Et puis, moi, j'ai fait un parcours un peu physique, là, mais Mais ça, combiné au stress et à l'émotion du concours, forcément, ça envoie une bonne décharge d'adrénaline, quoi. Agnès, ça va bientôt recommencer. Ça va être à toi. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé, c'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » Je sais pas trop qui je suis, enfin... Bah, j'ai 20 ans. Non, je viens d'avoir 21 ans. Pardon. Et qu'est-ce que je fais? Ah oui, je m'appelle Chloé. Ploton. Et Je vais le refaire. Oui, ok. Interview comédien. Benjamin, vous êtes élève acteur au conservatoire. Vous êtes en première année, je crois. Avant d'arriver au conservatoire, de réussir ce concours très difficile, on fait beaucoup de théâtre dans d'autres écoles. On se forme, en fait, on se prépare au concours. Ouais, ça a été une... Moi, j'étais au cours Florent et j'ai fait 2 années. Je suis rentré directement en 2e année et ça a été une sorte de découverte. La 3e année, elle est très axée sur le conservatoire. Il y a une prépa concours qui dure pendant 6 mois, qui est à la fois jouissive mais à la fois épuisante, parce qu'on apprend plein de choses sur nous-mêmes. On va dans les extrêmes de notre jeu, à la fois dans le comique, à la fois dans le dramatique. On va trouver des endroits qu'on avait peu fréquentés avant, mais c'est très épuisant. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui prend une place dans le cerveau et qui stagne pendant 6 mois, c'est le conservatoire. On mange, on dort, on copule, on fait tout au conservatoire. Moi, la première fois que je suis venue, je connaissais pas du tout, enfin pour le concours, les lieux. Et en me promenant dans les couloirs, j'ai découvert par hasard, en poussant une porte, le théâtre. Et c'est vrai que ça fait un peu un... Enfin, on a l'impression de découvrir une caverne de trésors. À l'intérieur du conservatoire, il y a un théâtre qui se trouve même... qui est comme une chapelle, qui est comme un lieu secret à l'intérieur de cette école. Avec les dorures et le rouge des fauteuils. Et puis toutes ces peintures, Échille, Molière, Corneille, sur les balcons. Et on a l'impression de sentir... enfin, en tout cas, moi, j'ai cette sensation vraiment, quand on est sur le plateau, de sentir... oui, la présence de... Je sais pas, d'une histoire, d'un passé, je sais pas. Enfin, après, chacun ses croyances, mais ouais. C'est empreint de quelque chose. D'être comme dans une odyssée. Et peu importe où on est, il y a toujours quelqu'un qui joue du piano ou des cris. On entend, en fait, il n'y a aucun endroit où. Et c'est ça qui est bien, en fait, c'est que. On est traversé à chaque fois par. Par différents sons et différents textes qui nous arrivent, même quand on est concentré. Avec des élèves qui sont là en jogging, chaussettes, qui sortent de cours de danse. Donc ça, finalement, ils rendent la chose assez contemporaine, quoi. Nous, et puis on arrive, on passe devant un jury de 5 personnes, on attend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de monde qui passe aussi le concours. C'est marrant parce qu'il doit y avoir peut-être 200 personnes le jour J. Et on arrive facilement à dissocier les élèves qui passent le concours et ceux qui sont déjà là. Combien d'élèves qui se présentent au concours au total, pour combien de places? Il me semble que... moi, mon année, il me semble qu'il y en avait 1700 personnes. Pour combien de places? Pour 30 places, 15 filles et 15 garçons. Les candidats s'enchaînent, les jurys s'enchaînent, donc c'est assez violent quand même. Tous les regards sont vers public, on scrute. Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau danger qui arrive? La Emma t'est sur l'immunité. Alors, ça varie, parce qu'il y a des gens dans la classe, il y a beaucoup de gens de province qui font du théâtre à Paris, donc il y en a qui passent les 12. Alors, c'est arrivé. Les 12, tu les connais, À Paris, donc il y a Conservatoire de Paris, les SAD. Conservatoire National. Ouais, Conservatoire National de Paris. Donc les SAD, il y a le CFA maintenant, à Nières, enfin l'ESCA. Les SAD, c'est quoi? Les SAD, c'est à Châtelet-Léal. Non, la rue Blanche maintenant, elle est à Lyon. Donc il y a l'ERAC à Cannes. Il y a l'école du Nord, le TNB, à Montpellier il y en a une, il y a Saint-Étienne, donc ça fait beaucoup, et quand on sait que c'est 70€ pour passer les concours et qu'on passe les 13 et qu'on n'est même pas sûr d'avoir les deuxièmes tours, ça peut revenir très très cher. Marlon, merci. De passer les concours. T'en as passé combien des concours? J'en passe deux par an, moi je passe à chaque fois Conservatoire de Paris et les SAD. Et j'ai passé une fois l'ESCA, et je sais pas cette année si je le repasse. Et c'est horrible, franchement. Tu as passé combien de concours, combien de fois Alors j'ai passé 3 fois le CONS, 2 fois les SAD, et 1 fois l'ESCA. Et là, cette année, je ne passe que le CONS, et je pense que c'est la dernière année, si j'en ai marre, vu que je commence à bosser aussi à côté, et les SAD. On a le droit de le passer combien de fois, de toute façon? C'est 5. Et... Toi, tu l'as passé, le concours? Oui, oula, oui, je l'ai passé. Bon, je l'ai passé 2 fois... C'est toujours très difficile, enfin, parce que il y a beaucoup de coups à l'ego, à l'amour propre, et faut garder la flamme, faut continuer, faut être un espèce de croisement entre une tique et un cafard, c'est-à-dire tu résistes à tout et tu lâches rien. Mais et j'ai vu des scènes un peu tragiques, c'est-à-dire quand on s'amassait pour regarder les résultats du CNSAD, ils affichent la liste, et puis après, il y a un mouvement de foule énorme. Ça se passe rue du Conservatoire. Ouais, c'est Paris. Ça. Ils affichent les résultats. Ils affichent, c'est ça, il y a. C'est toujours le rituel. Toujours le rituel. Il y a plus la criée. Des décennies. Il y a des cris, il y a des pleurs. Il y a des cris, il y a des pleurs, il y a tout. C'est la cour des miracles. Et je me souviens, j'ai une image d'une jeune nana qui est avec sa bouteille de villageoise, assise sur le trottoir, en train de pleurer toutes les larmes de son corps. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit, mais c'est aussi surtout beaucoup plus injuste. C'est beaucoup plus aléatoire, c'est beaucoup plus ce moment-là. Et parce que c'était eux, parce que c'était moi, ou je ne sais quoi. Ouais, c'est comme ça. Il y a une estrade. Mais ouais, mais t'as trouvé que... Scène, quoi. Franchement, oui. Enfin, pour moi, t'as pas fait tant d'erreurs. Quand t'avais montré des choses... Ils ont rigolé. Ils ont rigolé. Je pense pas qu'ils allaient rigoler. Ouais, non, mais c'était... Je regrette... Oui, ça c'est peut-être pas mal. Citer une qualité pour être comédien. Je trouve qu'il y a quand même une qualité qui est, quand on voit chez les acteurs, c'est une certaine intensité, quoi, de l'acteur. Quand je vois vraiment un bon acteur, je me dis il y a une intensité qui lui est propre et qu'il est capable soit d'extérioriser au maximum, soit... intérioriser, la garder, mais du coup, en la gardant, la faire ressortir. Édouard Sulpice. Novarina, il parle du carburant de l'acteur, un peu. Qu'est-ce qui le... À quoi il marche, quoi? Qu'est-ce qui le... Et du coup, on n'a pas tous les mêmes, et puis du coup, on n'a pas tous les affinités avec les mêmes rythmes. C'est dans le ventre, quoi. On a un truc qui se remue et qui est... Enfin, c'est une énergie qu'on est capable de capter de... Je sais pas. Je pense qu'il y a de ça. Il me semble. Je me tais et vous restez comme vous êtes. Et puis vous démarrez quand vous voulez. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond, et naviguer avec des madrigaux pour rame, et dans ses voiles des soupirs de vieille dame. Non, merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant. Non merci. Ne découvre. Apprenez à travailler. Vous devez faire d'autres. Restez concentré, c'est bien. Travailler à se construire un nom sur un sonnet. travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres. Non, merci. Ne découvrir du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes, et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François. » Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger, déplacer, être présenté, non merci. Non merci. Non merci. Est-ce que quand tu joues, c'est le moment où t'es le plus heureux au monde ? Oui, c'est peut-être ça, mais pas forcément pas tout le temps en fait. Hein, mais si, ouais, quand même. Il y a un sentiment de quand même être au bon endroit, quoi. Je sais pas comment dire, mais on se dit ouais, c'est quand même bien, quoi. Ça fait sens pour moi dans ma vie, quoi. En tout cas, moi, je pense que c'est la place où je dois être. Je pense que je ressens ça. Après, ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans un projet où tu as l'impression de voilà, de faire quelque chose de pas bien et de pas remplir ta mission, puisque j'ai l'impression qu'il y a une notion de, ouais, d'engagement et de mission qui est importante. Ouais, ça m'est arrivé. Après, mais c'est aussi par rapport à l'exigence qu'on a en tant que spectateur quand on va voir quelque chose, quoi. On se dit, est-ce que si j'étais dans le public et si je voyais ça, est-ce que je me dirais pas, tiens, on se moque de moi, quoi. C'est pas assez. Mais quand même, il y a un truc où on se dit, qu'il y a une exigence et qu'on peut pas, c'est quand même énorme, quoi, de se déplacer, d'aller dans une salle, qu'on paye ou qu'on paye pas, de s'asseoir, de regarder des gens pendant une heure. Et quand on voit des spectacles qu'on aime pas, des fois, on se dit, mais c'est terrible, quoi, je suis là, je pourrais être autre part, quoi, parce que. Mais c'était bien, là, l'autre jour, j'ai vu au Bouffe du Nord le spectacle de Rambert. Et à la fin, il y a Audrey Bonnet qui finissait la pièce en disant, vie, vie, pourquoi es-tu si cruelle, noir. Et il y a une petite dame qui a dit « La vraie cruauté, c'est de nous montrer un spectacle aussi nul » ou un truc comme ça. Et ça a résonné dans toute la salle, tout le monde l'a entendu. Et donc, silence total dans le public. Mais du coup, bon après, je vais pas parler du spectacle de Rambert, mais du coup, je me suis dit « C'est quand même bien que cette dame ait dit ça à ce moment-là, quoi. » Ça veut dire que le théâtre est encore là, quoi. On est là, on est vivant, on a vu le spectacle. Et si quelqu'un a envie de dire, de hurler qu'il a trouvé ça nul, bah, il peut le faire, hein. Enfin... Que les codes des fois soient un peu bousculés, c'est intéressant quand même. Moi, je pense que. Enfin. Je me suis dit que c'était le bon compromis pour faire tous les métiers du monde, en fait. Je voulais pas. Je pouvais pas choisir. Je voulais faire tellement de choses. Et puis, après avoir goûté à ce que c'était d'être sur une scène, ben ouais, c'est fantastique. Enfin, il se passe quelque chose où tout d'un coup, on n'est plus aussi important, c'est plus nous qui comptons, et c'est autre chose. Et les textes, en plus, il y a quelque chose qui nous traverse, une parole qui ne nous appartient pas, une langue, des mots qui parfois nous viennent de très loin et qui nous permettent de toucher des gens ou pas, mais on lance un peu des particules dans l'atmosphère et chacun, peut-être dans le public, va en recevoir ou pas. Mais c'est quelque chose d'assez magique qu'on... Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez avant d'entrer en scène ? Par la grande échappée du mur, je t'ai reçu votive des mains de l'hiver. Je dirais pas que c'est du trac. Évidemment qu'il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Je veux dire, on sent qu'on n'est pas aussi détendu qu'on le voudrait, qu'il y a... On a le cœur qui bat fort, enfin... En fait, le travail qu'il y a à faire, j'ai l'impression, c'est d'à chaque fois, avant chaque représentation, de renourrir, enfin, de nourrir le texte de nouvelles images. Parce qu'on a ces images, on a tout ce qu'on ne dit pas, qui est un peu nos secrets, qu'on va jouer avec le texte, que le spectateur ne voit pas, mais peut sentir. Et je pense qu'en fait, chaque jour, en fonction de ce qu'on va voir, s'il y a quelque chose qui va nous rendre triste ou au contraire nourrir de plein de joie, et ben ça, je pense qu'il faut à chaque fois, il faut les changer assez régulièrement pour être nourri et donc pas tomber dans les mêmes images qui tout d'un coup n'agiraient plus en nous parce qu'elles auraient été remplacées par d'autres. Toi, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand tu dois justement travailler des personnages, des choses peut-être extrêmes, ou travailler dans la longueur, dans la durée, un personnage? Il y a l'interview de Daniel Day-Lewis dans Le Monde 2. Bon, c'est un cliché, mais de dire qu'effectivement, voilà, on n'en sort pas indemne, le corps est traversé, travaillé, épuisé. Est-ce que toi, tu somatises des choses? Après, les questions de personnages, là, on bosse sur le personnage avec Xavier Gallais. Mais sinon, je m'étais presque jamais posé la question du personnage parce que je suis pas trop là-dedans. Mais en plus, on a étudié un peu l'Actor Studio pour voir exactement comment ça marchait, au lieu de critiquer tout de suite, dire « Oh, c'est vraiment des débiles, les gars qui se mettent dans le personnage et qui vivent 5 mois dans les bois pour pouvoir jouer. » Parce qu'ici, c'est pas du tout au conservatoire. En France, c'est pas du tout la méthode. En France, on n'aime pas en théâtre. Dans tous les conservatoires, généralement, on vous dit « Bon, Stanislavski, merci, c'est pas ça qu'il faut faire, quoi. » Même si maintenant, je pense que ça revient à beaucoup d'entre nous, on se dit, bon, au lieu de dire qu'on peut balayer comme ça d'un revers de main une méthode sans la questionner et sans se renseigner, c'est un peu stupide. Comment vous avez appris votre métier ? Je pense que la chose qui m'a le plus impressionné, enfin pas impressionné, que j'ai appris le plus avec Strasberg, qui en plus m'a coaché pour quelques films après, c'est qui est le personnage ? Comment elle se lève le matin, comment elle est habillée, quel parfum elle met, physiquement elle est comment. Je me souviens à un moment donné, j'ai découpé dans les journaux les cheveux de quelqu'un, les yeux de quelqu'un d'autre, une chemisier de quelqu'un d'autre, et je faisais une espèce de puzzle de ce personnage. Donc, personnellement, moi je commence par qui elle est, d'où elle vient, mais pas trop intellectualisée, pas trop tout ce écrire, tout ça. On fait ça, oui, quand on est jeune, mais est-ce que ça aide à se jeter à la piscine? Je pense que la chose qui m'a aidée le plus, c'est le personnage. Il faut chercher en soi les choses qui sont parallèle au personnage, mais il faut aussi aller vers l'imagination, as if. Ah, comment dire en français, as if? Comme si je suis vous. Et ça, je trouvais des choses chez lui qui peuvent être dangereuses pour un acteur qui est très sensible, parce que si vous commencez à penser à quelque chose il y a 20 ans qui vous a bouleversé, vous ne voyez pas la différence entre le réel et pas le réel. As if. J'ai touché le fond de la piscine dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. Y'a pas qu'au fond de la piscine que mes yeux sont bleu marine, tu les avais repérés sans qu'il y ait un regard. Et toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. C'est plein de chlore au fond de la piscine, j'ai bu la tasse chin chin, comme c'est pour toi je m'en fous, je suis vraiment prête à tout avaler, que m'importe si l'on me trouve à moitié morte. Moi, j'ai pas envie de juste être une actrice. Ça me fait très peur d'être juste une actrice qui dépendrait du bon vouloir des metteurs en scène et de ce qui se fait, et de ce qui se fait pas, et si on m'aime pas, et comment je suis, et voilà, et ma tête, et mon corps. Ben non. Enfin, moi, je veux pas dépendre de ça. Je suis pas un produit. Je suis pas quelqu'un qu'on met en vitrine et qu'on peut prendre pour un projet comme ça. Enfin, c'est-à-dire que j'ai envie de créer. Pas juste d'être une marionnette. Mais qu'on manipule à sa guise. Qu'on manipule, c'est ça. L'acteur pense, en fait. À tout moment. Ouais. L'acteur pense et crée. Il n'est pas dénué d'esprit. Il peut complètement réfléchir à ce qu'il fait. Et je pense que c'est important qu'il y ait ces relations-là avec les metteurs en scène. Après, il y a tellement de façons de travailler. Et il y en a qui veulent pas de ça, qui veulent pas d'acteurs qui réfléchissent. Qui veulent des gens qui fassent ce qu'ils leur demandent. Très bien. Mais moi, c'est pas ma vision des choses, en tout cas. Je parle. Vous avez coupé tout ça. Mais est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant. Très intéressant. Ah oui? Vraiment? Alors, bon, Marco Ferrari m'a engagée, j'avais, je crois, 35 ans, pour jouer la femme de Ben Gazzara dans un film qui s'appelle Contre la folie ordinaire. Et alors, j'arrive sur le tournage, et il avait une réputation très dure. Hein. Et j'attends. Et finalement, j'arrive sur le plateau. Et l'après-midi, on tourne la scène. Et après la scène, il me dit... J'ose pas le répéter, mais ça fait vraiment prétentieuse. Je le dis. Vous coupez après, vous allez couper tout ça. Il me dit, c'est une grande attrice. Et il me dit, je vous ai engagé parce que vous ressemblez à un travelo pour ce rôle. C'est génial, non? Il était génial, cet homme. J'ai une photo de lui là-bas, il était génial. J'ai fait deux films avec lui. Et l'autre, bon, parce que j'ai tourné avec des très très grands metteurs en scène, était Fellini. J'avais un rôle dans Satyricon. Et alors, il hurlait après moi. Et pourquoi, qu'est-ce qu'il vous disait? Oh, je sais pas, il aimait hurler, il était un maestro. Très dur. Ça, c'était, non, c'était pas dur de jouer le rôle, parce qu'il demandait de compter. Alors, je disais, mais moi, je peux pas compter. J'ai pris 20 ans ou 30 ans, je sais pas combien d'années de cours de théâtre, et vous voulez que je compte? Il disait, una, due, tre, quattro, cinque, sei. Les gens n'apprenaient pas le texte. Tous les acteurs, ils comptaient. Tout le monde le faisait. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Le temps de la réplique, coupé. Comme c'était des acteurs français, américains, anglais, qui parlaient leur propre langue. Ils ne parlaient pas italien. Bah, je pense. Puis vous aviez dit qu'il fallait un gars qui soit gouailleur. Oui, c'est pour ça, parce que... Non, mais c'est tragique. C'est-à-dire qu'être actrice, c'est quelque chose de tragique. J'avais la passion de ça, mais ma vie dépendait de ça. Je ne voulais que ça. Je veux dire, je ne sais pas comment j'ai réussi mes enfants parce qu'il n'y avait que ça. J'aurais cassé pour arriver. Mais une porte. Je voulais tellement être actrice, mais tellement. Puis alors, on l'a rencontré sur la Champs-Élysées. J'étais humiliée, oui. Beaucoup humiliée. Monsieur, enfin, un ami, il veut. On a vu dans le journal pour qu'il fasse du cinéma, les enfants. Sauveur Isabelle Première. Je suis heureuse. Je vais te suivre partout, comme ta femme. Je suis assez grande. J'ai le certificat d'études depuis cet après-midi. Je suis plus une ignorante. Tu verras, t'auras pas honte de moi. Je retournerai plus à la maison. On vivra dans les soleils, c'est mieux que le maïs. Il y a des soleils partout. Les gens donnent les graines aux bêtes ou en font de l'huile. T'as déjà vu les soleils? Sauveur Isabelle Deuxième. Souvent, les descriptions sont assez vagues, sauf au niveau... là, c'était genre, cher jeune homme, ça, c'est vraiment l'âge où tu changes totalement, genre 18-25 ans. Mais donc, je suis arrivé, bon, je patiente. Oui, on a du retard, oui, installez-vous. Ok, très bien, j'attends. Et là, tu lèves les yeux et tu te vois toi, mais avec des variantes, en fait. Et les gens se voient, eux, en te voyant toi, mais avec des variantes. Et du coup, tu t'as pas envie de te lancer dans une battle de regard ou quoi que ça. Donc du coup, t'es sur ton texte qu'on t'a filé juste là, à l'instant, et tu fais bon. C'est au niveau de l'image de soi, enfin, quand t'es adolescent, c'est un peu galère, l'image de toi, ce que tu renvoies, tu la cherches, etc. Et une fois que tu penses l'avoir trouvé, dire ok, je suis unique. Et tu vois dans leurs yeux qu'ils se disent, ouais, bon, ok. Vous avez appris le texte? Quel texte? Bah ça, hop, il nous balance une feuille. Et donc du coup, tu fais la lecture, tu bégayes à moitié, t'es stressé, etc. Le mec, il te lance un regard Scarface, tu vois, pour bien pénétrer ta nature d'acteur. Et puis après, il te pose une question à côté, justement, bah, sur tes origines. Ouais, c'est quoi tes origines? Tu es né au Portugal, etc. Et genre, je comprends pas, en fait. Est-ce qu'après, ils vous disent, on vous rappellera? Bah oui, évidemment. Alors bon, là, pour le coup, le réseau a joué. Le réseau. De ma mère, ouais, par ma mère, ouais, voilà. Pour la pub, beaucoup. Quel produit ? Nutella. Tu te souviens du. Ah non, que tu pardon, dire. Je dis des bêtises. Nutella, justement, c'est pas sûr. Intermarché. Oui, je me souviens très bien, mais c'est du jeu, en fait. Il y a des fois, j'ai que deux répliques à dire, c'est à la cuillère. Donc là, en fait, je joue avec une personne qui me dit au couteau, et moi je dis à la cuillère, au couteau, à la cuillère. Et donc en fait, c'est super marrant à faire. Et vous le dites énormément de fois. Il y a d'autres voix que tu as faites, d'autres produits ? Ikea, je crois, j'ai fait. C'est, je parlais à ma petite amie et je lui disais, après le bac, tu fais quoi ? Donc je disais, ouais, Aurélie, après le bac, tu fais quoi, toi ? Donc, en tout cas, alors, aujourd'hui, tu vas faire une voix en radio et ensuite tu vas répéter pour une pièce. Oui. Ouais, mais en tant que toujours apprenti, il y a. J'apprends de, je suis encore en apprentissage et on me transmet de l'expérience et je sens que, je sais pas, c'est très dur, hein, j'arriverai pas à expliquer pourquoi j'arrive pas à me dire que je suis comédien. C'est compliqué, je saurais pas. Intérieurement, je sais que je le suis, mais au vu des autres, j'ai à ce truc de, je sais pas, il y a une pudeur à le dire, et je vois quand même, je vois que mes amis vous, enfin, quand je vois mes amis, ils le voient que je suis, bon, par moments stressé, mais qui a ce truc de je suis bien et je me vois, enfin je suis bien, et en plus bon, là comme je gagne un peu d'argent, ils se rendent compte aussi que je gagne presque autant en deux pubs que eux en un mois de travail, donc forcément c'est super, ça peut être très très agaçant aussi, hein. Mais moi j'ai des amis très très compréhensifs, on se connaît depuis 10 ans, j'ai un super groupe de potes, donc voilà, on fait tous des choses différentes, mais je pense que oui, il y a une part de rêve en fait. Et c'est pas pour rien qu'on fait ce métier, c'est qu'on a envie de rêver aussi, je pense. Une vendeuse dans une prise unique. Voilà, ça c'est mon premier rôle. Et après, j'ai fait plein de petits rôles. Mais plein. Je veux dire, j'étais l'actrice au petit rôle, quoi, avec trois phrases. Et même les trois phrases me faisaient peur. J'ai souffert de martyr. C'est pour ça que je n'ai pas voulu que mes enfants soient dans ce métier. Je ne veux pas décourager les jeunes acteurs aujourd'hui, mais pourquoi gâcher sa vie en partie, passer à côté de la vie en partie pour ça, puisque parce que c'est trop dur de pas travailler, c'est ça? C'est terrible de pas travailler. Même maintenant, moi qui disais c'est mon dernier film et je sais que je tournerai plus, j'ai envie. C'est ma passion, j'ai envie, j'aime ça, je suis née là-dedans, j'ai passé ma vie là-dedans. C'est comme dans l'amour, voilà. Et c'est terrible pour un jeune acteur. Et moi, j'ai du mal. Les gens disent, c'est les contacts. C'est pas vraiment les contacts. Parce que moi, quand j'étais très jeune, j'avais tous les contacts de la Terre et personne ne voulait me faire travailler. Donc, c'est pas les contacts. C'est pas parce qu'on a tous les contacts que ça suffit pour travailler. Non. Non, si on fait comme Jeanne Moreau, ça m'avait impressionné, Jeanne Moreau. Elle faisait un film qui s'appelle Le Train, avec John Frankenheimer, qui était metteur en scène, et Burt Lancaster. Et j'ai dîné avec elle à Louvain, près d'où habitaient Montand et Signoret, avec mon père et John Frankenheimer et Jeanne Moreau. Et j'ai vu ce que faisait Jeanne Moreau. Enfin, elle n'est pas arrivée comme ça, Jeanne Moreau, je veux dire, bon. Sans Louis Malle et sans Truffaut, et ben, Jeanne Moreau était un cas. Oui. Comment elle s'est comportée ? Elle flirtait avec les deux. Et alors après, je dis à mon père, mais c'est comme ça qu'il faut réussir. Pour réussir vraiment ce métier, la chose la plus facile, c'est de coucher avec la personne, oui. Tout est mélangé. Quand vous mettez en scène une actrice au cinéma, vous tombez amoureux de l'acteur que vous dirigez. Enfin, j'ai jamais eu, évidemment, cette expérience de ce pauvre, ces actrices avec Weinstein. Ça, j'ai jamais connu ça, Dieu merci. Mais c'est vrai, pour réussir dans ce métier, il faut coucher. Moi, c'était pas mon cas. Les gens couchaient avec moi pour réussir. On voulait mon carnet d'adresse. Je trouve, j'en sais rien, je sais pas, mais c'est très dur en tout cas, de savoir où est la limite. Souhaila Yacoub. Pour moi, c'est pour ça que j'aime pas les castings et que j'aime pas quand je dois me vendre. Parce que je sais jamais s'il va penser que je me vends pour... C'est très dur en tant que femme de savoir où est la limite de l'homme en face et de l'homme de pouvoir en face. Et en tout cas, je l'ai déjà vécu. Et... Vous l'avez déjà vécu, mais plus au travers d'un casting ou... Où on nous dit de faire des choses et nous on veut le faire, justement c'est là où je parlais de la limite. Est-ce que c'est vraiment le rôle qui demande ça ou qu'est-ce qu'il veut? Et un jour en casting, on m'a demandé de danser, donc j'ai commencé à danser et il me demande de danser plus sensuellement, de me toucher le corps et tu te dis... C'est pour le travail. Et après, tu dis, mais attends, qu'est-ce que je fais là? Et tu sais plus où sont tes limites. Tu sais plus ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Peut-être que si tu dis, excuse-moi, monsieur, j'ai pas envie de faire ça, ça me dérange. Il va dire, non, mais attends, ma cocotte, c'est juste un travail. Détends-toi, il n'y a absolument rien. En fait, on a toujours peur de... Enfin, en tout cas, moi, j'ai peur toujours de me dire, est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe pas? Et du coup, tu vas faire des choses par... Mais c'est de la faiblesse, quelque part. Ou j'en sais rien, c'est de l'innocence. Je pense que c'est l'innocence. En tout cas, pour jeune comédienne, c'est très difficile de savoir est-ce qu'on fait bien les choses, est-ce qu'on peut s'arrêter, est-ce qu'on a le droit de dire non, est-ce que... Voilà, en tout cas, on m'a jamais rappelé pour le film, d'ailleurs, on m'a jamais rappelé. Mais c'était une expérience qui était très gênante, où j'étais très mal à l'aise, et en plus, on m'a fait tourner avec des hommes, on m'a dit « danse avec des hommes un peu sexuels ». Mais je le fais, j'en sais rien. Ça peut être dérangeant, mais je sais pas encore. Je découvre aussi. I always believe in the kindness of strangers. J'espère que je vais pas tousser beaucoup parce que j'étais malade. Vous ne tournez pas aujourd'hui ? Si. D'accord. Je tourne, je repars tout à l'heure. Dans une heure et demie, j'ai le temps. Donc aujourd'hui, on est au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. C'est une très belle maison, on entend de la musique, on entend des comédiens répéter. Et vous êtes élève ici en deuxième année, c'est ça ? C'est ça, ouais. Vous êtes Souhaila Yacoub, vous venez de Suisse. Vous avez d'abord fait de la gymnastique ou à un très haut niveau, je crois. Je crois que vous avez failli participer au JO de Londres. C'est ça, j'étais gymnaste. J'ai fait ça pendant 15 ans, dans 8 ans en équipe nationale. Vous avez commencé à 4 ans. Donc vous êtes élève-actrice, on pourrait dire, mais en même temps, vous travaillez déjà beaucoup, puisque vous avez été propulsée, en quelque sorte, sur la scène du Théâtre National de c'est la Comédie. Mais en fait, je préparais le concours du conservatoire ici, et je préparais d'ailleurs, c'était drôle, une scène de Wajdi Mouawad avec mon professeur Cyril Enrep. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu le concours du conservatoire, et quelques jours après, je reçois un coup de fil. Oui, bonjour, Souhaila. Je ne sais pas si vous me connaissez, je suis auteur, metteur en scène, comédien, je m'appelle Wajdi Mouawad, est-ce qu'on peut se rencontrer ? Moi, quand j'entends ce message, je me dis, mais c'est pas possible, c'est une blague, c'est comme si... Tarantino vous appelle, quoi. Pour moi, c'était ce niveau-là. Et voilà, juste après la rencontre, il m'a dit, bon, bah, sans même passer de casting, sans passer d'audition, rien du tout, il m'a dit, je veux travailler avec toi. Et ça s'est fait très simplement, on a beaucoup discuté et l'échange a fait que ça a fonctionné. Donc, c'était une très grande expérience. Puis pour moi, c'est mon premier projet de théâtre, mon premier projet pro, et ça a fait un carton. Du coup, j'ai trois agences qui sont venues me voir et qui m'ont contacté. Il y a même un article qui titre « Une grande actrice est-elle née ? » Ça fonctionne comme ça aussi, ce système. D'un coup, un nouveau visage, une nouvelle présence. Quand on n'est pas encore connu et quand on n'est encore personne, on veut nous caser dans ce qu'on ressemble le plus. Donc pour l'instant, moi, les rôles, ce serait justement des immigrés. Ou alors, je vais toujours avoir le rôle de la meilleure amie. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Paris et que j'ai eu mon agent et que je passe des castings, c'est souvent pour des Aïcha, des Yasmina, des Selma. Enfin, alors que pour moi, je comprenais pas. Je me dis, mais pourquoi ? Et c'est vrai que d'être une arabe aujourd'hui, pour moi, c'était très éloigné de moi. Je ne me voyais pas comme ça. Je me voyais une jeune fille avant tout. Je suis ce que je suis. J'ai ce visage-là, ce corps-là, qui ne trahit pas. Une comédienne ou une actrice ? Je ne sais pas ce que je suis. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous aimez vous regarder ? Non, non, non, non, non, non, non. Non, non, non, non, non, non. Je ne me regarde jamais. Non. Ah non, non. Non. Pourquoi ? Parce que je me trouve atrocement laide. Non. Non, non, non. Et donc le César des meilleurs espoirs féminins est attribué à... Oulaya Amama. Et je gagne un César, ça me fait bizarre de le dire. Elle est dirigée par sa sœur, Ouda Benyamina, qui est à l'origine de sa vocation. Vous avez une statuette chez vous ? Ouais, j'ai une statuette chez moi. Elle est posée à l'entrée. Bien posée, c'est ma mère. Voilà, ma mère a tenu à bien la mettre en avant. C'était un très très beau rôle. Je remercie ma sœur de m'avoir fait confiance, mais aussi l'équipe. Et voilà, enfin tout. Je suis super super touchée. C'était beaucoup d'émotions. C'était beaucoup d'émotions partagées. Merci à l'Académie des Césars. Voilà. Donc ce film, on en a beaucoup parlé. C'est le film Divine qui a obtenu la caméra d'or. Qui a obtenu la caméra d'or, c'est ça. Pour d'ailleurs qu'une de vos partenaires dans Divine est aussi. Oui, elle est aussi en première année, Déborah Lukumuena. Voilà. Et j'ai toujours voulu entrer dans cette école parce que voilà, depuis que je suis petite, moi j'ai un rapport avec le théâtre où j'ai envie d'entrer à la Comédie Française, que j'ai envie d'avoir ce rapport avec le public. Et puis voilà. Et du coup, quel rôle vous auriez envie de jouer à l'avenir, au cinéma ou au théâtre ? Moi j'aimerais tout faire. J'aimerais pouvoir... Quel rôle, j'aimerais pouvoir faire un super-héros, une super-héroïne. J'aimerais être une princesse, pourquoi pas, mais aussi une psychanalyste. Voilà, vraiment être tout faire. Par contre, il y a un objectif, et ça c'est toujours le même, c'est d'entrer à la Comédie Française. Je ne sais pas comment vous expliquer le sentiment que ça me procure, c'est ma première pièce de théâtre que j'ai vue, à la Comédie Française, le malade imaginaire, que j'ai passé au concours. Ouais, je sais que je veux entrer. Qu'est-ce que je peux conseiller à un jeune comédien ? Je peux conseiller quelque chose, oui. Si vous le voulez vraiment, vous aurez votre chance, quelque part. Quelque part, je ne sais pas comment. Vous allez souffrir. Est-ce que ça vaut la peine ? Ça va ? Toujours pris. Bon, je sais pas. En tout cas, moi, ce que je dois dire, être actrice, c'est pas une bonne idée. Alors, je vais vous montrer la photo avec Strasberg. Comédien, le plus beau métier du monde. Cet appartement n'est pas fait pour avoir... Une série documentaire de Julien Thève et alors, Angélique Thibault. Aujourd'hui, je veux jouer. Avec Oulaya Amamra, Souela Yacoub, Benjamin Voisin, Édouard Sulpice, Chloé Ploton, Marlon Mercier-Itier, Maxime Goncalves et Tania Lepère, ainsi que des candidats à l'entrée au concours du conservatoire. Il ressent le bras de cime, il s'appelle Vacances à Venise. Merci au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, ainsi qu'à Mathieu Orléon. Prise de son, Romain Luquins. Mixage, Manuel Couturier. Voilà, Gérard et moi. Attends. Ça, c'est mon père avec Dino De Laurentiis, qui était un très grand producteur italien. Ça, c'est la dernière photo de Lee Strasberg avant qu'il meure. Susan Strasberg qui a peint ça pour mon anniversaire. Ah, ça, c'est une belle photo. Là, il y a Susan encore à côté de lui. En aimant dans mes bras, elle avait rien. C'était la fille de Lee Strasberg et c'était votre meilleure amie. C'était ma sœur. Je l'ai fait vivre, elle avait pas de quoi manger. Oh, elle avait rien. Parce qu'il lui a rien laissé. Qui a un grenier de fer, mon père. Susan Strasberg, la couverture de Zwick. Et ça, c'est Judy. C'est Judy Garland. Elle s'est suicidée. Je veux pas finir comme elle. LSD, la série documentaire, c'est terminé pour aujourd'hui. Et si vous voulez le premier rôle, bibliographie, lien, nous podcaster pour les coulisses ou nous réécouter au conservatoire, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram pour des photos secrètes de la maison de la radio. Demain, deuxième étape, être acteur, quel bonheur. Et pour toujours plus de documentaires, allez faire un tour sur le site de Tenk, notre partenaire qui propose par abonnement une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs et qui vient même d'inaugurer une plage réservée aux documentaires audio.